des papillons, couleur de neige, volaient par ici sur la mer. Pas papillon blanc, quand pourrais-je prendre ma pluche, Madeleine? Savez-vous, au pile des billes,